Chapitre 4. Monsieur du Ronclay a dit une grande vérité lorsqu'il écrit dans le rapport présenté à la ville de Paris « Certes, il est souhaitable que toutes les eaux d'égout élevées par des machines à des niveaux suffisants soient conduites au loin par des canaux et utilisées avec empressement par l'agriculture. Mais, pour mener à bien une si vaste entreprise, il faut le concours de tous les intéressés, principalement celui des détenteurs du sol. » Et ce concours ne sera obtenu que lorsque les cultivateurs comprendront combien l'emploi des eaux d'égout leur serait profitable. L'utilisation de ces eaux est au fond une question d'instruction. Combien de temps faudra-t-il pour faire cette instruction? Combien pour vaincre les habitudes invétérées de culture, pour en faire adopter de nouvelles? Une telle révolution ne peut se faire en quelques années. C'est à cette tâche d'enseignement que s'était vouée l'administration des eaux de Paris, et Gennevilliers fut la première école qu'elle ouvrit. À grands frais, je vous prie de le croire. Il fallut d'abord construire une machine élévatoire. Vous pouvez l'aller visiter si le cœur vous en dit, car elle est ouverte à toute personne qui le demande. Elle est nette et luisante comme un sou neuf. L'ingénieur qui me l'a montrée m'a dit en souriant « C'est dans le maniement des ordures qu'il faut le plus de propreté. » Le cabinet d'aisance doit être l'endroit le mieux tenu de la maison. De cette usine, les eaux d'égout prirent le chemin des terres qu'avait acheté l'administration. Et voilà qu'en 2 ou 3 ans, de ce sol aride, les indigènes virent, avec étonnement, pousser des choux énormes, des carottes monstrueuses, de prodigieux navets, sans parler des arbres à fruits qui venaient que c'était merveille. Vous croyez que ce spectacle les convainquit? Non. Un très petit nombre se rendirent d'abord. Ce furent surtout les gens des environs, ceux d'Argenteuil, de Cormeil, de Montmorency, qui se laissèrent séduire. L'administration proposait son eau fertilisante à qui en demanderait. Elle s'engageait à la donner gratis, et qui plus est, à faire les premiers frais d'établissement. Ces cultivateurs exotiques, moins entêtés dans leurs préjugés que ceux de la presqu'île même, s'enhardirent à louer des terres. Ils les louèrent presque pour rien, car le terrain ne valait pas cher, et quelques-uns sont en train de faire des fortunes. Leur exemple gagna peu à peu. L'administration ne pressait personne, elle attendait. Mais, à mesure qu'un nouveau client se présentait, aussitôt elle se mettait en devoir de le satisfaire. C'était un néophyte conquis à la bonne cause qui en amènerait d'autres. Et elle en avait besoin de ces renforts incessants, car elle avait à résister aux terribles assauts de la routine. C'était de toutes parts contre elle, et surtout dans le pays qu'elle enrichissait, un concert de réclamations et de récriminations. Si l'eau montait par hasard dans une cave, le propriétaire criait comme un brûlé et tout le village se joignait à lui. La moindre flaque de pluie servait de prétexte à des plaintes sans fin. Et les délibérations de conseils municipaux, et les rapports de commission, et les pétitions au ministre allaient leur train. L'administration ne répondait rien. Elle laissait parler les faits qui déposaient en sa faveur. Elle savait qu'on finit toujours par avoir raison quand on a raison. Les huissiers se mirent de la partie. On lui fit procès sur procès, elle en soutint quelques-uns, ce qui lui semblait par trop ridicule ou injuste. La plupart du temps, elle désintéressait le propriétaire, alors même qu'elle pensait être sûre que le dommage n'était pas de son fait. Quelquefois c'est elle qui était dans son tort, car l'expérience seule et une longue expérience pouvaient apprendre à régler convenablement le dosage et la distribution de l'eau. Elle l'avouait de bonne grâce et faisait les travaux nécessaires pour que l'inconvénient ne se renouvelât plus. C'est ainsi qu'elle a organisé un vaste système de drainage qui, en facilitant l'écoulement des eaux purifiées, a séché toutes les caves et ramené les puits à leur niveau normal. Elle a, dans cette longue lutte contre l'esprit de routine, déployé une patience et une ingéniosité admirables. Songez que son premier essai date de 1866. Il y a donc 16 ans qu'elle a ouvert cette école dont parle Monsieur du Ronclay. Et si les résistances ont beaucoup diminué de nombre et d'intensité, elles ne sont pas encore toutes vaincues, tant un préjugé est tenace, tant il est difficile d'arracher de l'esprit des hommes une vieille habitude, une idée préconçue. Actuellement, dit le rapport de 1879, L'irrigation s'étend à Gennevilliers sur près de 400 hectares et consomme de 40 à 50 000 mètres cubes par hectare et par an. Ce développement continu est dû à l'initiative des cultivateurs. L'usage de l'eau est absolument libre et aucun propriétaire n'est obligé d'en prendre. Je supplie mes lecteurs de se donner le plaisir d'un tour de promenade dans ce merveilleux jardin maraîcher. Il n'y a rien de plus curieux et, j'ose le dire, de plus amusant que ce spectacle. Les champs ressemblent à des étoffes rayées. Les rayures sont de petites rigoles qui occupent toute la longueur des champs. L'eau d'égout est amenée, par les canaux souterrains de l'administration, jusqu'à la lisière de chacun des champs. Chaque propriétaire a son robinet qu'il ouvre et ferme à volonté. Le robinet est-il ouvert, on voit l'eau qui s'engage dans toutes ces petites rigoles, le flot poussant le flot, jusqu'à ce qu'elle atteigne le bout. Le cultivateur n'a plus qu'à fermer le robinet et la distribution s'arrête. L'eau filtre lentement à travers le terrain qu'elle rafraîchit et qu'elle engraisse. Au fond de ces rigoles se forme un dépôt noirâtre, composé des matières minérales et organiques que contiennent les eaux d'égout. Après quelque temps d'évaporation à l'air, il prend un aspect d'un feutre constitué par des poils et des débris végétaux. On peut soit l'incorporer à la terre au moyen du labour, soit l'enlever et le vendre comme terreau. Les tranches de sol que divisent ces rigoles ont un aspect tout particulier. La terre superficielle y est légère, friable et presque floconneuse. Elle s'écrase aisément à la main. C'est une espèce de poussière grasse et noire. Il paraît que cette poussière est d'une grande fertilité car la végétation est admirable. Les légumes qui y poussent sont superbes. On a prétendu que, comme le lapin sent le chou dont il fut nourri, le chou de Gennevilliers sent la vase. Rien n'est plus faux. Des expériences répétées ont prouvé que les légumes de Gennevilliers ne diffèrent point par la saveur de tous les autres. J'en puis répondre moi-même en ayant mangé et avec grand plaisir. C'est comme pour l'odeur. On assure que la presqu'île infecte. Je ne sais pas comment on peut avancer de pareilles bourdes, qu'il est si aisé de convaincre de fausseté. Gennevilliers n'est pas si loin de Paris. Allez-y, vous verrez que si, en effet, vous mettez le nez sur les rigoles, elles exhalent une odeur, je ne dirais pas infecte, mais fade, comme celle qu'ont perçue tous ceux qui ont fait aux égouts de Paris la visite légendaire. À 2 mètres, ça ne sent plus rien, rien du tout. N'en croyez pas là-dessus les on-dit. Vous avez un nez, que diable, servez-vous-en. Faites ce que j'ai fait. J'ai voulu voir, j'ai vu, comme dit le poète. D'autres objections se sont produites. Si vous n'êtes pas là, nous les examinerons ensemble. Rassurez-vous, cette étude touche à sa fin.